d'abord la diversité. Une main tendue vers un étranger, même si c'est pour le repousser. Voter pour la France, c'est pas pour les Suédois, où je me suis dit aux crises proches chez moi. Puis ça lui aurait fait trop mal de voir un McDo détruit. C'est quand même le resto préféré de la nouvelle première dame, Donald Trump. On peut donc l'affirmer, les Black Blocs sont d'immondes connards terminés au pipi qui se font peur en lançant trois pavés pendant que leurs potes filment la révolution à l'iPhone 10 avant de mettre les vidéos sur YouTube. Je peux vous garantir que de l'autre côté de la planète, ça se passe autrement pour notre président. J'imagine Christophe Castaner, le chargé des relations avec le Parlement, qui appelle en urgence. Allô, monsieur le président? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a des problèmes à Paris. Qu'est-ce qu'il veut que ça me foute? Moi, je suis en Australie, mon pote. Oui, je sais, monsieur le président, on a besoin de vous à un rapport aux manifs qui dégénèrent, aux impôts, à vos problèmes de cadeaux pendant la présidentielle. Oh, démerde-toi, Christophe, hein, moi, je suis bien ici. Hein. 35 degrés, les cocktails sont délicieux. Brésil s'éclate à la cuisine. Alors, allez, moi, je te laisse, hein. Il y a le premier ministre qui m'attend pour faire un sateau de sable. Salut. Et hier, il a déclaré que le goût de l'optimisme en France était de retour. Je pense qu'il se drogue. À mon avis, vous allez dans sa chambre à l'hôtel Formule 1 de Nouméa, ça sent plus la colle que sur Bouteflika quand il sort de l'hôpital américain de Neuilly. Page 33, voici ce que déclarait Emmanuel Macron en 2010 dans un entretien accordé au magazine de Sciences Po Paris. Il y a une génération, pas la nôtre, mais celle du dessus, qui s'est faite écraser. Fermez les guillemets. C'est de moi, hein, qui parle là. C'est ce qu'il appelle la génération Prince Charles, celle des quinquagénaires. Les 68ards ne nous ont pas laissé le pouvoir et les trentenaires nous ont doublés. Nous n'avons rien eu. Si à 50 ans, j'ai une chronique hebdo sur Inter, c'est déjà énorme, je ne me plains pas. Oui, aujourd'hui, la France se résume à trois monuments. La Tour Eiffel, la Déclaration des droits de l'homme et la promo Senghor, d'où sortent la plupart des quadragénaires actuellement aux manettes des institutions. Il manque vraiment que Justin Trudeau dans votre promo. Hein. C'est la Dream Team. Par exemple, dans votre promo, il y a un certain Mathias Vichra, celui qui arrivait toujours avec 10 minutes de retard à tous les cours. Bah, il a terminé numéro 2 à la SNCF. Ça ne trompe pas quand même. Mais j'espère quand même, pour l'arbitre masqué, et je suis sûr que c'est Joel Kinnou, j'espère pour lui qu'il y a d'autres scoops plus croustillants dans le bouquin, parce que s'il s'est dit je vais écrire un livre où je dis que les arbitres se font insulter sur le terrain, les gens vont halluciner. Si j'ai pas le concours, au moins j'aurai l'interallié. Non, bah, je suis pas certain que ça va fonctionner, parce que moi j'ai fait du foot longtemps, insulter l'arbitre ça transcende les cultures. Hein. Je peux vous dire référé enculé, je le connais en 9 langues, je le connais en langue des signes. Référé enculé, moi j'ai vu des taupes le crier, vraiment, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que sur un terrain, le seul mec qui insulte pas l'arbitre, c'est l'arbitre. Et encore, Tony Chaperon, il s'insulte lui-même. Parce qu'il est vénère, t'as vu? En géo, on est nul. En septembre, Patrick Cohen s'est même trompé de radio. Résultat, il a passé la saison à galérer. Et si je suis pessimiste, c'est parce que depuis 40 ans, les plans banlieue ne fonctionnent jamais, alors qu'on leur a déjà donné des milliards à ces quartiers. On a donné plus aux banlieues que le service comptable de Radio France à Nagui. C'est dire. Mais pourtant, c'est pas compliqué de trouver un job. Il suffit juste de faire des petits efforts pour améliorer son CV. Hein, voilà, comme ne plus habiter en banlieue, changer de couleur de peau, ne plus être arabe. Voilà, ça demande une demi-journée de boulot. Tout ça, c'est rien. Le chanteur Michel Sardou a quitté la scène. La dernière chanson de son concert d'adieu, c'était évidemment Les Lacs du Connemara. Comme lors des mariages, on la passe pour faire comprendre aux gens que la soirée se termine.